Deuxième partie, le jardin d'hiver. 1. Devais-je comprendre que ma mère m'écrivait depuis l'au-delà? Un vertige m'a saisi, je me suis appliqué à ne rien laisser paraître. « Excusez-moi, ai-je lancé à l'adresse de Benjamin, je dois regarder ce truc de plus près. » D'un geste, il m'a signifié qu'il s'en fichait et s'est dirigé vers sa chambre. « Je vais prendre une douche, » a-t-il grogné. « Putain, il est 8 heures du matin et on cuit déjà comme en enfer. » Instinctivement, je suis descendue dans l'abri dont j'ai refermé la porte. Une fois assise au petit bureau métallique, j'ai posé le carnet devant moi, hésitant à l'ouvrir. Pourquoi ce manuscrit avait-il atterri entre les mains du fils Lofson ? Et quel besoin de l'affliger d'un titre aussi mélodramatique ? Ça dépassait mon entendement. Je me suis enfin décidée à le feuilleter. L'écriture était sans conteste celle de ma mère. L'encre, légèrement pâlie, donnait à penser que la rédaction datait de plusieurs années. J'ai déchiffré la première ligne. Quand tout commence, je viens d'avoir 20 ans. Je débarque de la caravelle Swissair à l'aéroport de Zurich.